nous sommes en compagnie de Trix Mangtorn et nous parlons de la plénitude du vide chez Albin Michel. Je voudrais qu'on aborde, Trix Mangtorn, avec vous une partie plus peut-être personnelle, ou en tout cas souvent aussi d'ailleurs plus controversée, qui est celle de la position du scientifique par rapport à la position de l'homme. Alors, je vais démarrer par une question qui est extrêmement simple. Un scientifique qui aborde ouvertement un questionnement spirituel, est-ce que vous comprenez que ça puisse troubler ? Oui, je pense tout à fait. Et je sais qu'il y a une grande frilosité parmi mes collègues à discuter science et spiritualité en même temps. Et d'ailleurs, vous savez, quand même aux États-Unis, quand je vais au bureau, on parle professionnellement des dernières découvertes, de nos recherches, etc., mais jamais de spiritualité. Il y a comme un tabou entre la science et la spiritualité. Et je sais que certaines personnes sont très spirituelles. Ils ont une certaine foi, mais ils hésitent à parler de ça publiquement. Alors oui, moi-même j'ai été critiqué. J'ai dans mon premier livre que vous avez cité tout à l'heure, La Mélodie secrète. Oui, d'avoir osé transgresser les frontières de la science en quelque sorte, parce que les gens se disent bon, tu es scientifique, donc tu devrais ne parler que des faits scientifiques et ne jamais parler de la d'autres domaines. Alors, pour moi, donc les questions philosophiques et spirituelles, vous voyez. Mais pour moi, l'homme est un tout, vous voyez. Et un scientifique a aussi des questions spirituelles et philosophiques. Et du moment qu'il soit clair, moi, je pense que dans mes ouvrages, j'essaie toujours d'être clair. Et je dis qu'il ne faut pas faire de concordisme. Ce n'est pas que j'utilise la science pour démontrer telle et telle chose en spiritualité. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Le bouddhisme, vous savez, existe depuis 2500 ans. Donc la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la Terre, ne remet aucunement en question les enseignements philosophiques du bouddhisme pour l'élimination de la souffrance et l'amélioration de notre être intérieur. Et puis la science fonctionne parfaitement sans aucun besoin spirituel. Moi, vous savez, un scientifique qui est athée ou chrétien ou musulman ou bouddhiste fera exactement la même science, de toute façon. Voyez, peut-être avec des visions peut-être un peu plus différentes du monde, mais quand même, la science a des méthodes, on l'a dit tout à l'heure, l'expérimental, et qui, donc, elles n'ont pas besoin, en quelque sorte, l'un de l'autre pour fonctionner. Mais pour moi, vous voyez, c'est un besoin de cohérence intellectuelle. Moi, je dirais que si, et je parle surtout du bouddhisme parce que c'est ma tradition spirituelle et je la connais le mieux. Pour moi, quand deux systèmes de pensée qui sont logiques et cohérents et qui prétendent décrire la même réalité ultime, moi, je pense qu'ils doivent se rejoindre quelque part, parce que s'ils sont complètement orthogonaux, vous voyez, soit l'un des systèmes de pensée est faux, soit les deux sont faux. Donc, pour moi, cette discussion entre science et bouddhisme, par exemple, que j'ai eue d'ailleurs avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard, j'ai écrit dans un ouvrage qui s'appelle « L'infini dans la paume de la main », un ouvrage à quatre mains. Pour moi, c'était plutôt un exercice de cohérence intellectuelle. Intellectuellement, j'étais très heureux en fait que nous avons trouvé beaucoup de convergences. Parce que bon, ça me dérangerait, je pense, si le bouddhiste dit des choses qui sont complètement opposées à ce que je trouve dans ma vie scientifique, dans ma vie de chercheur. Vous voyez. Ouais. C'est les territoires sur lesquels vous vous exprimez qui doivent être bien pesés. C'est-à-dire que dans un colloque scientifique, on parle science. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais je pense, bon, mes collègues maintenant sont habitués à mes ouvrages maintenant, mon carter. Et je pense que, bon, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est vrai que c'est difficile de commencer par ça. Hein. Je pense que j'ai commencé par établir d'abord ma réputation scientifique sans. Et puis, vous savez, j'ai écrit La Mélodie secrète quand j'avais 40 ans déjà. Vous voyez, donc, ma carrière professionnelle, tout ça a été établi. Bon, j'avais fait des articles qui suivent bien la méthode scientifique, etc. Donc, je ne suis pas quelqu'un de New Age qui s'en va dans des choses complètement non scientifiques, vous voyez. Alors, quel est le rôle, Trix Mangtorn, du vide dans la mystique orientale? elle joue un très grand rôle. D'abord, bon, le taoïsme, par exemple, dit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la science, que le Tao est en fait donc, qui est la voie, qui est l'origine même de l'univers. Elle contient le Tao crée l'un. L'un crée le deux crée le trois crée les 10 000 êtres. Donc, c'est la complexification, vous voyez. Le Tao, donc, qui est le vide, va fournir toute la complexité et la beauté du monde va sortir de ce vide. Le en Tao, fait. C'est le vide. Le Tao. L'expression même. Le Tao, c'est la voie, le vide, l'origine. Oui, voilà. D'accord. Voilà. C'est ça que ça signifie. Alors, dans le vide dans le bouddhisme est un peu différent du vide normal. Ça, c'est le vide des choses, vous voyez, ce qu'on appelle la vacuité. Parce que ça repose sur ce qu'on appelle le concept de l'interdépendance. Vous voyez, par exemple, si je vois cette table, je peux pas. Elle semble être une entité distincte, indépendante de tous les autres facteurs. On peut la mesurer, la peser, voilà, etc. Voilà, voilà. Ouais. Elle a des propriétés ouais. physiques. Mais en fait. Le bouddhiste dit que quand vous pensez à cette table, vous devez penser au bois de l'arbre qu'il a fait, c'est-à-dire à la pluie, au soleil, à la terre qui l'ont nourri, au charpentier qui a façonné cette table, au boulanger qui a nourri le charpentier. En fait, c'est une chaîne de causes infinies. Donc, cette table ne peut pas être par elle-même, décrite par elle-même comme une entité. Donc, elle est vide en elle-même. Hein? Donc, ça, ce n'est pas le nihilisme. Parce que je pense que les philosophes occidentaux, ce sont les premiers occidentaux qui ont été en contact avec le bouddhisme, se sont mépris sur sa signification. Comme Schopenhauer, il parlait du nihilisme, que le bouddhisme dit que le monde n'existe pas. Non, ça c'est complètement faux. Le bouddhisme dit bien sûr que le monde existe. Cette table existe, les particules existent qu'on mesure avec nos instruments. Mais seulement, on ne peut pas parler d'eux complètement indépendant d'autres choses. Tout est en lien, tout est connecté, tout est interdépendant. Et c'est ça la vacuité des choses, en fait, parce que tout est en lien. Elle n'existe pas par elle-même, c'est toujours en rapport avec d'autres choses. Oui, donc, c'est ni le nihilisme, ni le réalisme matérialiste qui dit que les choses existent par elles-mêmes. Vous voyez, mais c'est ce qu'on appelle la voie du milieu, le bouddhisme. Donc la vacuité est la voie du milieu, en fait. Voilà. Est-ce que la connaissance scientifique, alors que vous retracez dans ce livre sur 20 siècles, oui. Plus même, nourrissent aussi cette vision, je dirais que cette fois-ci plus spirituelle. Est-ce que on a appris, selon vous, par la science, des choses qui nourrissent cette vision de lien entre toutes les choses dans l'univers. Le lien, oui, bien sûr. Donc vous voulez parler de, est-ce qu'on a appris aussi l'interdépendance en science? Oui. Vous savez, toute la science du 20e siècle n'est que ça. Par exemple, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Vous savez, nous sommes liés cosmiquement à l'univers. Beaucoup de gens ne savent pas ça, mais l'univers, dans le Big Bang, c'est seulement l'hydrogène et l'hélium ont été faits dans les 3 premières minutes. Et s'il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium, la vie, la conscience ne seraient pas possibles, parce que l'hydrogène est un élément très simple, donc il n'y a pas de chimie possible. L'hélium est un élément très stable, donc pas de chimie non plus, donc l'univers est rempli de nuages d'hydrogène et d'hélium, mais surtout pas de planètes et d'êtres humains. Donc, voilà, on est lié à ça. Et puis, bon, la science moderne, vous savez, la mécanique quantique dit que la réalité est inséparable, ce qu'on appelle l'intrication quantique aussi. Ça, c'est les liés. Vous avez deux particules qui ont interagi ensemble, vous les séparez par des milliards d'années-lumière. Bon, l'expérience a été faite pour des dizaines de kilomètres seulement. Elles restent liées. C'est, vous perturbez l'une, l'autre, ouais. C'est instantanément sans aucune... Ouais. Transmission d'informations. L'observateur modifie le réel qu'il observe. Donc il y a l'interdépendance, tout est interdépendant. Et puis bon, il y a le concept dans le bouddhisme aussi, l'impermanence, tout change, tout bouge. Ce qui est aussi de nouveau très très différent de la pensée occidentale, vous voyez. Parce qu'Aristote pensait que tout était immuable. Et même jusqu'en 1965, Fred Hoyle disait que l'univers, en moyenne, les propriétés ne changeaient pas, ce qu'on appelle l'état stationnaire ou steady state en anglais. D'ailleurs, le Big Bang, vous savez bien, Fairhall l'a nommé par dérision. Ça restait, ouais. Mais il voulait se moquer de cette... Grand succès. Cette, ouais, c'est ça, de cette théorie, en fait, ouais. Mais qui a détrôné la sienne. Donc, vous voyez, donc il y a certainement une cohérence, la vision, ouais, du monde entre ces deux. Entre ces deux, ouais. Et ça, c'était le sujet, en fait, de nos discussions avec Mathieu Ricard. Ouais. Alors, cohérence, dites-vous, quel, oui, est, selon vous, le sens de l'univers? Quelle est votre conviction profonde, intime, oui, personnelle du sens de l'univers? Oui, oui. Donc ça, c'est de nouveau, je dis bien, c'est un pari. Hein. La science ne peut pas répondre à ça. Alors, on peut choisir, hein, pour reprendre les termes de Monod, le hasard ou la nécessité. Est-ce qu'il y a une nécessité à ce que nous soyons ici ou tout est hasard, que rien n'a de sens? Hein, c'est en fait la conclusion de Monod, hein, qui est une conclusion, je trouve, très pessimiste, qui dit « L'homme a émergé par hasard dans un univers qui est complètement indifférent. » Pas de sens. Pas de sens, voilà. L'univers se soucie comme d'une guigne de notre présence ici. Nous n'avons aucun rôle à jouer. Moi, je parie contre ça. Ça, c'est dans le sens de pari pascalien. Vous voyez, quelqu'un que j'admire beaucoup, voilà, un grand scientifique, mais qui s'est occupé aussi des questions spirituelles à un très haut niveau, hein, dans ses pensées. Et donc, c'est un pari pascalien, parce que Pascal pariait sur Dieu, vous savez bien. Hein, il disait que si vous pariez sur Dieu, le gain est infini, s'il existe. Mais s'il n'existe pas, la perte ne sera que finie. Vous voyez donc, vous avez tout à gagner à parier sur Dieu. C'est pas mal, hein, pour le père de la théorie de la des probabilités. Bon, alors moi, je parie donc que l'univers a un sens, et justement, mes arguments sont... D'abord, pour invoquer le hasard, il faut donc invoquer la notion de multivers, vous voyez, parce que si vous avez une infinité d'univers parallèles au nôtre, vous pouvez avoir toutes les combinaisons possibles de constantes physiques et de conditions initiales, et donc dans la vaste majorité de ces univers parallèles, la combinaison perdante est sortie, et donc il y a aucune, les étoiles ne se forment pas, donc pas de chimie nucléaire, pas d'éléments lourds, et donc pas de vie et de conscience, sauf dans le nôtre où par hasard, donc c'est le hasard maintenant, donc il y a aucun sens, c'est le hasard, la combinaison gagnante des constantes physiques et des conditions initiales est sortie, et nous sommes le gros lot, en quelque sorte. Ouais. Nous sommes dans l'univers gagnant, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ça, donc, il faut postuler l'existence d'univers parallèles. Ça, c'est possible. En science, c'est permis. Donc, il y a beaucoup de théories, beaucoup, ouais, quelques-unes. En tout cas, par exemple, le multivers inflationnaire, le multivers des Brann, etc., de la théorie de corps de nouveau. Donc, il y a des théories qui invoquent cette notion. Et donc, nous sommes par hasard, notre existence n'a aucun sens. Alors, bon, je parie contre ça, parce que jusqu'à nouvel ordre, je ne vois pas comment on va vérifier l'existence d'univers parallèle. D'ailleurs, on ne voit même pas, d'ailleurs, notre univers, parce que nous sommes notre univers en entier, parce que nous sommes liés par... il y a une bordure qui s'appelle l'horizon cosmique, hein, c'est l'âge de l'univers multiplié par la vitesse de la lumière, en quelque sorte. Hein. Le temps que la lumière nous arrive. Ouais, nous arrive, c'est ça, exactement. Et donc, voir d'autres univers parallèles, c'est, pour l'instant, c'est hors de question. Moi, je ne vois pas comment on va vérifier l'existence d'univers parallèles. Donc, et pour moi, quand il n'y a pas de vérification expérimentale, ça reste la métaphysique. Donc, je parie contre le hasard aussi. Bon, j'adhère au principe de la simplicité. Vous voyez ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? C'est pour résumer, vous voyez, pourquoi créer une infinité d'univers parallèles, tous vides et stériles, juste pour avoir un qui soit... pourvu de conscience. Mais oui. Vous qui êtes un amateur de jazz, vous admettez et vous aimez aussi beaucoup le jeu. Tout à fait. Oui, mais il y a un réglage déjà qui donne un canvas, vous voyez, une ligne. Le joueur de jazz ne joue pas un air chaotique. En fait, il y a déjà un thème sur lequel il brode. Et pour moi, la nature joue du jazz parce qu'elle a des lois physiques aujourd'hui déjà, vous voyez, qui sont les lois de la gravité, les lois de la relativité, les lois de la mécanique quantique, etc. Mais bien sûr, ce n'est pas un univers complètement déterministe. Ce sera bien triste si tout est écrit déjà, que nous n'avons aucun libre arbitre. Mais d'où viennent ces lois ? Ça, c'est la question. Donc, je parie justement sur un principe créateur. Là, pour moi, ce principe créateur, c'est quelque chose qui se manifeste justement dans les lois de la nature, qui lui donne sa beauté, son harmonie. Ce n'est pas un dieu barbu personnifié, vous voyez, qui édicte des lois, qui s'occupe du sort journalier de nos des êtres sur Terre, etc. Donc, je parie. Mais je répète, c'est un pari philosophique. La science ne peut pas démontrer cela. La grande discussion, évidemment, aujourd'hui, c'est non pas l'avenir de l'univers, mais l'avenir de l'homme dans cet univers. Oui. Êtes-vous, Trịnh Xuân Thoan, quelqu'un d'optimiste ? Je pense que foncièrement, je suis optimiste, mais je suis conscient des dangers. Hein. Je pense que vous faites référence au changement climatique, au réchauffement global, etc., qui est sur non pas des milliards d'années, ou voire des millions d'années, mais sur quelques générations, 20, 30 ans. Qui peut rendre notre ère invivable. Donc, j'espère qu'il y aura un sursaut. Bon, je vois quand même l'évolution. Je pense que les enfants, nous-mêmes, nous sommes plus conscients des dégâts que nous faisons à la planète. Nous recyclons les choses, nous jetons, par exemple, les sacs en plastique maintenant ne sont plus permis dans les supermarchés. Enfin, tout ça, ça sauve la planète. On essaie, moi j'étais dans le sud pour donner des conférences, le sud de la France pour donner des conférences, je vois maintenant beaucoup de bâtiments, quelques-uns en tout cas, qui fonctionnent sur l'énergie solaire avec des panneaux, vous voyez, avec du vent, l'énergie éolienne. Oui. Donc tout ça, il y a des changements, mais il faut quand même donc moi j'étais réconforté que la COP21 qui s'est passée à Paris en décembre dernier, tous les chefs d'État ont signé sur le contrat qu'on ne peut pas augmenter la température de la Terre de plus de 200 degrés jusqu'à à la fin de ce siècle, je pense. Vous qui vivez aux États-Unis, on a aussi conscience de ça outre-Atlantique ? Je pense que la population est consciente de ça, mais pas tellement les politiciens. Pour l'instant, vous voyez, malheureusement, je pense qu'Obama, qui est démocrate, essaie de faire quelque chose comme ça, mais c'est l'autre au Congrès républicain qui malheureusement, est pro-industrie et donc ne veut pas changer. Donc, c'est ça. Il faut que, moi, je dirais, le citoyen soit conscient et puis... mettre des politiciens qui soient conscients de ce problème et qui fassent quelque chose vite. Avec l'aide de quelques scientifiques ? Oui, voilà. Donc, c'est ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir politique. Tout ce que nous pouvons voir, c'est dire, avertir les gens qu'il y a un vrai danger, vous savez. Ça, c'est vrai. Parce que, d'ailleurs, la nature a fait l'expérience juste. La planète d'à côté, qui est Vénus, vous savez, là... Ça, son atmosphère, c'est 96% de CO2 et sa température est 450 degrés centigrades, donc 4,5 fois la température de l'eau bouillante. Si on met la Terre sur ce genre de trajectoire, ça va être la fin de l'espèce humaine, ça c'est certain. Merci beaucoup, Trịnh Xuân Thoan, d'être venu nous voir pour nous parler de la plénitude du vide. Merci beaucoup. Je rappelle que ce livre... Merci de m'avoir invité. ...paraîtra le 1er septembre 2016 chez Albin Michel. Et vous faites rare, mais nous vous attendons toujours avec impatience. Merci beaucoup. Merci.